semaine. Je mène une petite enquête avec une paquette. Pour moi, les sites porno, ça donne la libido. Et internet, c'est chouette pour se faire une petite branlette. Mais faut avouer que c'est chiant avec tous ces sites payants. Alors je vais sur Miseglad, au moins c'est pas payant. Je prends ma petite caquette et je me tape une branlette. Bien sûr j'en fous partout, souris, clavier, Christian. Mais bon, je suis bien content d'avoir vidé mon petit clan. Cher. Alors cher webmaster, légalisez les sites porno. C'est bien des sites pour nous, les jeunes qui ont une sale gueule, les vieux, les riches, les moches qui peuvent se faire que des vieilles meufs. Un jour faut inventer la chatte en USB pour mettre sa bite dedans quand la meuf elle est contente. La chatte virtuelle devient, elle devient toute vibrante. Pitié pour nous les glands. Inventer la chatte vibrante. La chatte vibrante. La chatte vibrante. Oh ouais. Vibrante, oui. Oh vibrante. Oh yeah, yeah. Vibrante. La la la la la la la la chatte vibrante. Voilà, c'est tout.